Ok Google, quelle est la meilleure émission? C'est Sbazi Radio tous les dimanches soirs de 18h à 19h sur hashtag. 18h, on est à l'heure! Salut tout le monde! C'est exceptionnel ça. Oui, c'est on rare. Est à l'heure, il est 18h pile et Sbazi Radio commence. Maintenant. On est en décembre. Salut Lilith, salut Va, salut Tom, salut, salut Sandrine, salut tout le monde qui vient d'arriver et qui arriveront. Oui. Ah, on est en décembre. Oui, on est enfin en décembre et c'est bientôt Noël. Noël. Et c'est bientôt la spéciale Noël qui sera dans exactement 2 semaines. 2 semaines, voilà. Donc le 16. Et voilà. Et c'est déjà programmé sur la chaîne, vous pourrez aller voir ça pour mettre la petite cloche. Oui. Aujourd'hui, on fait une spéciale 2010 et juste avant de commencer, Esther est arrivée. Attention, oui. Avec quelque chose. Petit cadeau pour Hugo. Pour attendez, fêter. Écoutez le bruit. Je sais pas du tout si on l'entend, normalement je crois pas. Alors attendez, on va faire de la place. Allez, bon, alors, priorité au direct. Alors c'est un carton. Non, avec des numéros écrits dessus, des petits Pères Noël et tout ça, je pense que vous avez deviné. Et dans chaque numéro se trouve un chocolat. Voilà, donc c'est un calendrier de l'Avent. Voilà. Donc on va ouvrir les deux premières cases puisque nous sommes en décembre. Et du coup, on a. Donc c'est un calendrier de l'Avent, Jeff de Bruges. Ça a l'air bon. Je les mangerai pendant la pause parce que sinon ça va être faire le gros crasseux qui, oui, c'est clair, qui bouffe. Donc on a un petit chocolat rond. Alors attends, il y a des trucs écrits dessus. Bon, c'est Jeff de Bruges. Il y a écrit quoi, hein. Ouais, il y a écrit Jeff de Bruges. Naturellement chocolat. Waouh. Et derrière, il n'y a pas genre tous les types de chocolat. Et genre, ça c'est un petit pas, carré. Ah. Ouais, parce que Kinder, il spoil derrière. Non, je crois pas. Ça ah, si, un peu, ouais. Ça te dit là. Ouais, mais il n'y a genre, pas les images. Dit, ça te dit à quoi c'est. Ouais, il n'y a pas les images. Voilà. Donc voilà, donc merci Esther. Bah, y a pas de soucis. Donc, je mangerai mes petits chocolats à la pause. Oui, moi j'ai une crêpe au Nutella, donc ouais. Chocolat contre crêpe au Nutella. Elle arrive un jour où il y a des crêpes, elle est oui. Contente. Oui, je suis trop contente. Donc, bref. Alors, Tom nous dit, je reviens juste de la séance de dédicace dans Lyon de Iris Mete. Ah oui, ça, alors ça c'était un débat hier avec mes parents, comment on disait son nom à elle. Iris Mete, moi je sais, c'est Iris Mitenner. Ouais, donc tu ne sais pas. Si, c'est millénaire, elle le dit. J'ai des étoiles dans les yeux, j'en peux plus. Et ça fait plaisir de vous entendre. Ben, nous aussi, ah, ça ben fait plaisir aussi. De nous entendre. Oui, coucou Lilith. Donc, ça... coucou Mélo. Attention, il ne faut pas tout manger d'un coup. Et je mange les deux premiers. Et oui. Comme et ça, coucou j'ai... Alice. J'ai deux calendriers de l'avant, du coup. J'ai le Kinder que je détruis de jour en jour. Et voilà. Donc, et celui-là, du coup. Oui. Jeff de Bruges. Donc, ce sera très bien pour la spéciale Noël. Moi, Nutella, ma vie, ben, moi aussi, Tom. Donc, voilà. Super. Aujourd'hui, on est sur une émission spéciale 2012. 2010, donc, 10, que ça 2010. Ah, je vais me planter pendant toute l'émission. 2010. Non, 2010. Évidemment, le replay sera à la fin, enfin, dans la soirée ou dans la nuit ou pour demain, disponible sur Spotify, Google Podcast gratuitement. Oui. Sans avoir de compte voilà. Premium. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à ce live et vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer les notifications. Ainsi que vous abonner au Insta qui est affiché voilà. En bas à gauche. Et au Twitter aussi. Au Twitter, oui, voilà, qui est affiché voilà. En bas à droite. Voilà. Et mettre les petites notifications, tout ça. Ah, tu vois, Tom, il le dit, ça se prononce comme je le dis. Ah, Iris voilà. Mitenner. Voilà. En haut à droite, vous avez un sondage pour choisir la chanson de Christophe Maé qu'on écoutera après... Après, elle est où ? Après. Alors, après l'actu musical. L'actu musical qui sera juste avant le N'oubliez pas les paroles. Et juste avant l'actu musical, il y aura ce qu'il s'est passé en 2010. Mmh. Et on commence direct avec nos petits coups de cœur musicaux. Oui, aussi, musicaux. J'ai ouais. Dit musical. Oui, parce que moi j'avais écrit le coup de cœur musique 2010. Alors Esther, quel était ton coup de cœur musical? Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez, si vous vous souvenez d'une oui, musique en particulier en 2010. De 2010 ou quoi voilà. Alors moi, bah, j'étais fan de Katy Perry à l'époque, donc en fait son album Teenage Dream. Alors attends, où y a faut que près... je trouve où j'ai mis mes petits extraits. Oui. Voilà, Teenage Dream, il est là. Et dedans, vas-y on laisse un peu. Alors ça c'est Last Friday Night. Donc c'est pas du tout Teenage Dream. Mais non mais Teenage Dream c'est le nom de l'album. Ouais mais il y avait une chanson ah dedans. Ah oui c'est vrai. Donc, je mais préfère ouais et dans cet album il y a plein de chansons hyper bien où il y a eu des clips où c'était des singles hyper voilà quoi hyper connus. Du coup on adore Katy Perry et juste je me coupe pour Kelly qui vas-y. Me dit bonjour et c'est l'anniversaire de Kelly aujourd'hui elle a 14 ans donc. Fallait me le dire j'aurais prévu la musique d'anniversaire. Ah mais je te l'ai ah dit je te l'ai dit mais tu t'en souviens plus. Mais quand tu me l'as dit l'émission dernière on quoi, avait dit. Son dernière, tu oui, c'est vrai. T'es marrante, toi. Voilà, donc souhaitez tous un joyeux anniversaire à Kelly. Joyeux anniversaire, voilà. Kelly. Oui. J'aurais bien mis la musique, mais je l'ai pas. Oui, le clip de Thank You Next, dit Tom, oui. Bon, là, j'ai pas de minute à Rihanna parce qu'en 2010, bah, elle jouait dans Victorious, elle faisait pas de chansons. Mais voilà. On en parlera la semaine prochaine. La semaine évidemment. Prochaine, je parlerai du clip qui a battu des records d'ailleurs. Mais suspense. On tease l'année prochaine. Voilà. La semaine prochaine. Pas l'année prochaine quand même. Pas oui, non, la semaine on prochaine. On y est bientôt, mais pas juste. Alors, toi, c'était quoi ton coup de cœur musical ? Moi, j'avais un coup de cœur. C'est, de toute façon, je sais pas ce que j'avais avec Shaim, mais j'adorais toutes ses musiques, et notamment celle-là. Je ne suis pas toujours facile. Je mais sais. Mais tu sais que je m'en souviens pas, genre, ah de si, cette chanson. Je t'ai... Attends, écoute. C'est dur d'être toi, mais je sais qu'avant c'était pas comme ça. Voilà. Ah oui, oui je le refrain, oui, je connais. Voilà, d'un coup, c'est mieux. Ah, Béré, je croyais que tu avais oublié. Ah, parce que Bérénice, elle a attendu de le dire dans les commentaires de ce Basier Radio pour dire bon anniversaire à Kelly. Ah, c'est mignon. Oui. C'est... Un jour, on vous prendra par téléphone, ne vous inquiétez pas. Hein, papa ? Oui. Parce que, bah, peut-être. C'est pourquoi je dis ça. Non, mais ça, on va pas te dire. Oui, bah, okay. Imaginons. Oui, ça n'arrive imaginons, pas. Ça n'arrive pas. Imaginons, le rêve est brisé. Et d'ailleurs, comment il sait qu'il y a René Latov qui est sorti en 2010 ? Ah, je sais cette chanson. Ah, bah voilà, vous voyez ? Oui, c'est bon coup de cœur. Cette chanson me fait du bien vu que mon copain m'a quitté. Oh non ! Oh. Il parle de Thank You Next. Ah oui, d'accord, oui, parce oui. que je me suis dit, je sais, ouais, d'accord. Ouais, je okay. sais de Shy, mais non, quoi. C'était 2010, René Latov. Ah, on verra. On me dit, on verra. Bref, bon bah voilà, il y en a qui ont eu un beau poème d'amour de 10 pages pour leur anif. Ah, ça c'est Kelly, son copain, parce qu'elle a un petit copain, oh, il lui a fait 10 pages de poème d'amour. On adore. Moi je veux des sous, hein, c'est mon anniversaire. Voilà. 26 juin pour ceux qui veulent. Oui, alors attendez, envoyez on peut vos s'arrêter dons. Deux minutes parce que Hugo, là, qui est à ma gauche actuellement, il oui. est né le même jour qu'Ariana le 26 juin. Donc t'as énormément de chance en fait. Quoi ? Le 26 juin ? Ouais, je sais, tu me l'avais dit. Oui, je te l'avais déjà dit. Je te l'ai dit 10 000 fois à peu près. Oui, oui, tu me le dis tout le temps. Chaque année, en fait. Voilà, donc on fêtera ça le 26 juin. Je ne sais pas quel jour ça tombe, mais on fêtera nos anniversaires respectifs. Et toi, on le fêtera, d'ailleurs ? Moi, c'est le 18 décembre. La semaine prochaine. Eh oui, ce bah, ce ouais. sera... non, pas la semaine prochaine. Parce... Non, on le fêtera la spéciale Noël. Spéciale Noël, voilà. On fera voilà. un petit... On fera un petit... Qui vous l'a dit ? Bah, moi, j'ai vu sur sa story, Kelly. Hein. Shaim, c'était le feu à l'époque. Ah ouais, non, mais c'est vrai feu. Que je l'aimais trop, mais je sais pas pourquoi elle fait rien non, maintenant, elle est plus active. Elle chante plus. Oh. C'est vrai qu'elle ne chante plus et je suis en train de me rendre compte que j'ai. Ah non, c'est bon. Ah. Ah non, c'est bon parce que j'ai cru que j'avais pas préparé ton deuxième coup de cœur. Mais si, il est là. Et quel était ton deuxième coup de cœur musical de l'année 2010 ? Ah oui. Bah, en fait, bon, on en a entendu parler, ça a eu. Même elle est hyper vue, je crois, elle a 1 milliard de vues, c'est Waka Waka de Shakira pas. Pour la Coupe du Monde 2010. Mais j'adorais, je faisais la danse et tout, devant le clip et tout, j'aimais trop sa chanson. Bref, voilà, c'était un peu mon année 2010, quoi. Oh, du Katy Perry et du Shakira. Je suis en train d'essayer de régler les petits problèmes techniques parce que ça ne diffuse pas très bien. Ah oui, il y a ah. des bugs. Ah ah ça coupe, désolé. Non, ça coupe. Normalement, ça coupe pas, mais ça. Enfin, ouais. Non, Hugo, il a la mémoire courte. Ouais, non, mais je sais. Hein. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas. On a l'habitude à faire ça. Oui. Bah, surtout Esther a l'habitude. Hein, oui. Depuis le temps. C'est vrai. JB m'a appelé pour me demander mon avis. JB, c'est le copain de Kelly. D'accord. Ouais. Private joke en ouais. fait. D'accord, hein, ok. Trop... Oui, non, c'est pour ça que j'allais dire c'est qui. Waka waka et. Double anive, pourquoi double anive ? Toi et Ariana. Ah oui ! C'est vrai que t'as vraiment la mémoire courte. Oui, mais si, tu sais, on passe de oui, chose à l'autre. On passe avec d'anniversaire le à Waka Waka. Waka Waka. Oui. Bref, on avait un dernier coup de cœur musical. C'est le même. On n'entend plus beaucoup, Hugo. Comment ça ? On n'entend plus beaucoup. Oh, attendez, je vais régler ça direct, en direct avec vous. Parce qu'on a la chance d'avoir des micros sans fil. Du coup, je peux vous emmener partout. Je peux même vous emmener dans mon salon, voire même dehors où nous avons mis les décos de Noël. Mais j'espère que t'es pas mute. Non, on m'entend normalement. Super. Là, là, là, là. Oui, ça bouge. Bon, les super. Les tests sont d'Hugo. Moi aussi, on m'entend. Là, là, là, là, là. Oui, on m'entendait ou on est quand même en train de faire les tests son en pleine émission alors qu'on avait tout le temps de le faire avant. Ah là là. Bref. Voilà, donc mon dernier coup de cœur musical. C'était quoi ? Fatal Bazooka ce matin va être une pure soirée. Celle-là, celle-là, je la mets dans toutes les soirées. Si vous voulez réussir une soirée, enfin peut-être pas pour les plus vieux, excusez-moi. C'est vrai que mais vous pour les pas. Gens un peu de notre âge, vraiment vous mettez ça en soirée, il y a tout le monde qui va danser. Ouais, voilà. Vas-y alors, mets-la. C'est notre, ça sera sur Nostalgie ça plus tard. Oui. Et on se retrouve juste après ça parce qu'on vous la, on vous la met en entière. On va s'ambiancer. Et clairement. Juste après ça, on va passer des événements. Non, aussi, des événements tout court, ouais, de 2010. On va parler de ce qui s'est passé en 2010, ça tout de suite. Hey. Aïe. On s'est ambiancé. Voilà. On a mis de l'ambiance ici. Ah oui, Hugo et Bastien, musiques, ils ont dansé comme des petits fous. Vous avez l'habitude que Bastien vienne tout le temps. Dès qu'il y a la pause, il viendra faire votre petit coucou à la fin. Oui. Son petit coucou. Alors, on a des petites coupures, faut qu'on règle ça. Je vais régler ça, ne vous inquiétez pas. Ça va le faire. C'est pas grave. Alors, on va passer au ce qui s'est passé en 2010 voilà. Et je te laisse. Alors, le 15 janvier 2010, il y avait l'éclipse solaire la plus longue du millénaire. Elle a duré combien de temps? Parce que du coup, et bah, tu pas. Aurais dû mettre le chiffre parce que du coup, je dois regarder. Mais tu me l'as pas donné, donc et oui, je pouvais donné, pas le mettre. C'est vrai. Alors, donc, je vais rechercher. Attendez. Donc, bon, bah, Hugo, vous voyez que cette émission est extrêmement bien préparée par Esther, notamment. Hein. En attendant, je vais lire ce que vous avez mis pendant la musique. Nostalgie, dans 40 ans, ça va donner quoi, j'avoue? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça va donner? C'est une... D'ailleurs, c'est souvent la question parce que bon, là, c'est vrai qu'ils passent souvent en boucle les mêmes trucs. J'y étais allé à Avignon, c'est waouh! Ah encore, ouais. Ça s'est rajeuni un peu depuis quelques années. Enfin, c'est normal, hein. C'est un peu plus court. Mais alors, je recherche. Hop, recherche. Oui. C'est quand tu veux, tu prépares les émissions, Esther. Mais ne t'inquiète pas, alors, durée 11 minutes et 7 secondes. C'est long quand même, une éclipse de 11 minutes. J'avoue, ouais. Mais moi, je crois que je devais être en cours à ce moment-là, parce que enfin, ouais, bah, primaire. Je sais pas, moi, en 2010, je m'en foutais un peu de tout ça. Oui. Donc, ouais, certainement, on devait être en cours. On veut une vidéo, on verra, peut-être un jour, ne vous inquiétez pas. Déjà, on arrive... Attendez, déjà qu'on n'arrive pas à diffuser sans que ça bug, en... rien que de l'audio, une vidéo... Et on est à la campagne, hein. Oui. On n'est pas à Paris. Voilà, c'est pas... Ouais. C'est pas bon, le feu de Dieu. Ensuite, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de révolutionnaire parce que tout le monde a une tablette chez lui quasiment. De même, quelle marque? Même ma mamie en a. Non, parce que moi j'en ai pas de Apple. Ah oui, mais là on parle d'Apple. Ouais, mais oui, mais c'est quand même eux qui ont lancé la grande mode des tablettes. Vrai. Parce que le 27 janvier, ils ont annoncé le premier iPad. Le 27 janvier 2010. Ouais, oui, bah oui, parce qu'on est en 2010. Oui, le voilà. Premier iPad a été en 2010. Ça fait que 8 ans, hein, tu te rends compte? Ouais, c'est vrai que ça c'était fait... l'impression que c'est plus vieux. C'est pareil. Et pour, c'est parce que c'est tellement... En fait, ça s'est tellement modernisé hyper vite que maintenant, tout le monde en a une. Tu ouais, voilà. Et même, c'est pareil, l'iPhone, il a 10 ans. Ouais. Parce qu'il est sorti en 2008, donc c'est... Ah oui, la tablette, c'est après, ouais. Ouais, ouais. Et enfin, c'est passe vite, hein. Bah, ouais, carrément. Maintenant, quand tu vois ce que c'est, c'est fou. Oui, oui. Ensuite... qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Une émission que tu regardes, je crois. Pas du tout, non. J'aime pas. Ah, même. J'ai cru. Ben moi non. Alors, plus, j'aime pas, mais ah je, bah voilà. Je pensais que c'était le bien. Le 10 avril, il y a eu le lancement de Touche pas à mon pote. Même les sujets qu'ils abordent, ils sont ouais. Vraiment. Je préfère l'Arche quotidien qui est sur la 10. Ouais. Moi, 50 minutes, c'est ça, j'aime sérieux. Trop les trucs people et tout. Ouais, mais ça, c'est pas tous les soirs. Non, c'est le samedi soir. Ah, bah voilà. Mais voilà. Oui, 50 minutes. Oui, surtout quand ils parlent d'Ariana Grande. C'est... Oui, bah, je crois pas. J'ai pas vu une émission où ils en parlaient, mais... Ah bah, peut-être, ça va après, arriver. Je regarde pas tous les samedis, quoi. Ça je peut arriver. Je peux. Ah. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le attendez. 11 juin. Où je prépare la petite musique. Oui, vas-y, mets la petite le musique. Le 11 juin, quoi. Il y a eu... Ouais, on la remet. Hein. À la base, je la mettais que pour la Coupe du Monde, mais quand elle m'a dit que c'était son coup de cœur, bah du coup, on l'a mise partout. Du coup, mais du coup, il y avait la Coupe du Monde, ouais, 2010, voilà. En Afrique du Sud. Du 11 juin au 11 juillet, et bah, c'est l'Espagne qui a gagné. C'est l'Espagne qui a gagné, parce que nous, les deux seules fois, on a gagné. Parce que en 98 ans, et en 2018, 2018. Voilà. Salut et à tous ceux qui nous rejoignent. C'est... Oui, bah coucou Jeanne. Et en 2010, Hugo était en CE2. En CE2 moi non, aussi. Attends, si. Si, si. Attends, 2008-2009. 2010, on avait 8 attends, ans. Attends, 2008-2009, j'étais en... Ah oui, 2010, j'étais en CE2. J'avais fait CE2, aussi, CM1. J'étais... Ouais. Non, CE1, CE2. T'étais une classe double? Non, mais. Ah oui, non, mais oui, j'ai compris. Oui. Vu que c'est pas, tu sais, l'année scolaire, c'est oui, pas oui. Pareil que l'année en elle-même. C'est vrai. Du coup, le début de 2012-10, j'étais en CE1. Et la suite, bah, j'étais en CE2. Oui. Donc ça remonte. Hein. C'est vrai. Et CE1, on était dans la même classe. Ouais, ah oui. Et ouais. Oui. Et pas en CE2, je pense. Non, CE2, je ne crois pas. Ça va. Bon. On est parti dans notre petit débat. Est-ce qu'on était dans la même classe ou pas? Non. Le 28 juin, depuis le 28 juin, vous avez forcément entendu une seule fois ce générique. C'est le midi, c'est sur TF1, c'est ça. Jean-Luc. Oh non. Je fais le public, hein, il nous manque un public, venez chez nous. Bref, les 12 coups de midi, depuis le 28 juin 2010, il y a les 12 coups de midi à la télé. Mais moi aussi je pensais que c'était une émission genre hyper vieille comme Motus. Non, en fait, moi, je non. pensais que c'était plus récent encore, oh. Parce que je sais qu'il avait fait d'autres émissions. Mais je sais pas, 2000, moi, je pensais je plutôt, enfin je sais pas. J'avais regardé quand c'était Christian qui, je sais pas si tu vois de qui je parle, mais il y avait un Christian qui avait fait cette émission, il était hyper fort, donc ah ouais, non, on regardait, c'était intéressant. On adore. Et on apprenait des choses, je ne savais pas répondre à une seule question sur toute l'émission. Voilà. Voilà, d'où ma culture générale très peu élevée. Mais bon, toi t'as déjà regardé 12 coups de midi ou pas? Bah un peu, mais franchement j'aime pas, genre je trouvais que ça faisait un peu vieillot quoi, parce qu'ils avaient pas trop notre âge, les présentateurs et tout. Oh Jean-Luc, moi je l'aime bien, ça va. Bah écoute, tant mieux pour toi. Je donne mon petit avis. Hein, oui, voilà. C'est vrai. Bon, ensuite, quelle était la mode musicale de cette année? Et oui, parce que avant de passer à l'actu musicale, sachant qu'en 2013, il y avait le Harlem, c'était le Harlem Shake, la mode musicale. Ouais. En 2010, c'était quoi? Non, en 2012, qu'est-ce qu'on avait fait en 2012? Je crois que c'était la Zumba, un truc du genre. Ouais, mais on n'avait pas trop parlé. Je ne sais plus. Enfin bref, et avant de passer à l'actu musicale, on va démarrer direct avec la grosse mode, oui, qu'il y a eu. Et d'ailleurs ça, vous l'entendez aussi dans toutes les soirées, mais vraiment. Ouais, oui. Attendez, je la mets derrière moi. Écoutez ça. Déjà, vous l'avez reconnu. Juste les premières notes. Voilà. Donc c'est le coup d'oulo. Oui. Voilà. Tom qui nous dit, ouais, attention à la marche, je n'ai jamais regardé parce que j'étais beaucoup trop petit. Ah. Mais cette chanson, vous l'avez forcément entendue, vous l'avez reconnue. Le dance à coup d'oulo. On ne sait pas. On danser, adore. Nous. Enfin, moi, je sais pas le danser. Est-ce que tu sais le danser, toi? Oui, moi, je sais le danser. Je vais le faire là. Eh ben voilà. Eh ben on monte ça, le son. Et c'est parti. Allez. Coucou. Faut que j'allume mon micro. Oui. On est parti sur un. Enfin, Esther a essayé de m'apprendre le coup d'oulo. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était plutôt drôle. Voilà. Voilà. Et oui, c'est une chorégraphie pour ceux qui demandent. Et je n'ai jamais réussi à la danser, et voilà. Ça s'est prouvé une fois. De plus, ah, ça y est, content, oui. Il y arrive. Bastien, il a dansé avec moi, super. Ouais, voilà, que moi, non. Il est arrivé en plein milieu, il a tout déchiré. Voilà, et comme dit Black à Papa, c'est comme le Madison, mais en plus exotique. C'est exactement, ouais, bah, déjà, ça. Déjà, le en fait. Madison, je l'avais appris, mais c'était pas ça, donc. Non, moi, je connais tout. Voilà, je connais la Macarena, le Madison, le coup de. Ah, d'eau. La Macarena, c'est plus simple d'un coup. Oui, ça, c'est clair. Le bras devant dans tous les sens. Oui. Ah, hey, Macarena. Ça va. Bon, tout bref, de suite. On va passer à l'actu musicale. Wow. Wouh. Ah, attends, 2010. On a une trompette pour celui-là. Ah bon. On adore. On a une trompette pour tout, nous, ici. Bon, alors. En 2010, on avait. Alors, avec Hugo, on était fan de Christophe Maé. Ouais. Voilà. En fait, le plus de son album de 2007, mais celui-là aussi. Oui. On plus l'album aimé. Où il y avait dedans On s'attache, mais celui-là, on l'adore aussi. Ouais, voilà. Alors, comment il s'appelait? Il s'appelait. Je veux du bonheur. T'as une musique de fond ou pas? Non, parce que vous pouvez voter en haut à droite dans la petite fiche. C'est vrai. Je ne sais pas. Regardez dans le petit i en haut à droite et vous avez le sondage normalement pour choisir entre les trois chansons que je vais vous faire écouter. Alors on maintenant va vous faire écouter une par une des petits extraits. Attention, alors attendez parce que j'ai pas du tout bien réglé mon affaire. Vas-y. Mais écoutez, je suis comme ça dans la vie donc pas grave. Normalement ça devrait être bon. Vas-y. Ça c'est Deng Deng. J'adore. Attends, on va essayer de mettre le refrain. Je suis tombé pile poil dessus, je ne m'y attendais pas. Ouais. On avait aussi J'ai laissé. Ce qui est beaucoup plus triste. Est-ce que je suis dans le refrain? Non. C'est là qui va le dire. Vas-y. J'ai laissé. J'adore imiter Christophe Maé aussi, même si on sait pas le faire. En deuxième choix, c'est J'ai laissé. Et vous avez en dernier choix, Je me lâche. Je j'en peux plus d'être au service de mon boss. Attendez, le refrain il va être par là. Dire, vous êtes aussi con que moche. Là. Quand Donc ding ding ding, j'ai laissé ou je me lâche. Tout dans le petit i. Voilà, pour la chanson. Écoutez juste après. D'ailleurs, l'actu musicale va voter. Esther, montre le bon étudiant. Ça s'arrête très d'un coup là. Ouh là là. Oui, et n'oubliez pas de mettre un oh n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à ce live. Voilà. Donc le nouvel album de Christophe Maé. Qu'il vous plaît ce petit album. Oui. Enfin, je sais pas si vous en souvenez. Je sais pas voilà. Si vous en souvenez. Est-ce que vous écoutez? Dites-nous tout dans le chat. Alors attendez, parce qu'il y a absolument plus rien qui fonctionne ici. Ah, c'est pour ça, c'est parce que. Non, mais en fait, si tu veux, il y a tout qui a planté. Même... Alors, si vous voulez, on a le chat en deux fois. On a sur un ordi et sur la tablette. Ouais. Sauf que sur la tablette, je n'ai plus à l'afficher. Mais moi, je l'ai sur l'ordi, mais. Ah! Parce qu'il me met. Attendez. Il te met quoi? C'est compliqué hein, de faire une émission de radio avec les moyens du bord. On essaye. C'est avec pas un ordi qui marche pas, une connexion qui marche pas. Voilà quoi. On c'est essaye, un peu la galère, mais bon. On essaye comme on peut. On fait comme bon, on peut, oui. Il n'y a plus rien qui marche. Même le live, si... là ils nous entendent. Oui, mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'arrive plus à voir le chat. Je me lâche, mais après, un cassoulet, c'est peut-être pas une bonne idée. On commentera pas cette blague. Merci Esther de nous l'avoir raconté avec. Il y a pas de souci. C'est pas grave, ah, je regarde. Ah c'est bon, ici. Le chat marche. Voilà. Façon, plus à l'avoir je me lâche. Bon alors allez bon. Voter dans le petit, mettez un pouce bleu à ce chat. Vous savez voilà. Tout ça dans en moins de 2 secondes. Non je rigole. Dans quelques minutes évidemment, on regardera les résultats. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Alors ensuite, il y a eu une chanson. Qui a révolutionné non, peut-être le pas monde de la musique. C'est peut-être un peu trop haut. Comme... c'est la chanson la moins aimée de YouTube. On vous dira combien on de j'aime pas elle a après. Mais écoutez, vous allez direct reconnaître. Oh, oh, oh, oh, oh. Non, Esther ne chante pas. Après, c'est moi qui dis ça, mais je chante pas mieux. You know you love me. C'est Baby de Justin Bieber. Voilà, vas-y, mets un c'est la chanson refrain, la si moins. Non, je ne peux pas. Tu peux pas, ok, d'accord. On donc, est pas c'est la chanson la moins aimée de YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a 9,6 millions plus de j'aime 9,6 pas. 9,6 millions. Tu te rends compte? Y ouais, plus de 9. Plus, donc, à peu près environ, si on environne. Ça veut dire. C'est vrai, ça fait à peu près 10 millions de pouces rouges de gens qui n'aiment pas cette chanson. Ouais. Mais aussi, elle a beaucoup de pouces bleus en fait, elle a beaucoup de vues en général. Du ouais. Coup, c'est fait que. Attends, il y a le refrain. Voilà. Mais celle-là, mais c'est. Il y a énormément de j'aime pas. Oui. C'est... Bon, après, c'est... celle-là, je l'ai aimée étant petit. Bon, maintenant. Voilà, c'est du Justin Bieber quoi. Mais en vrai, ça va, il fait des bonnes musiques maintenant. Genre par exemple, Let Me Love You et tout. Genre ah 2016. Oui, bah oui, maintenant moi, ça va. Il y en a oui, quelques-unes oui. Qui sont pas mal. Ça s'appelle. Il en a pas. Bah n'empêche, c'est mon enfance, sorry. Mais moi aussi, c'est mon enfance. Genre, bah oui, oui. Voilà, quoi. Bah oui, bah et, attendez, on était en CP. Enfin non, CE2. Tout ça, donc. Ouais, c'est ça clair. Remonte. Merci à tous ceux voilà. Qui nous rejoignent. Ensuite, Hugo, il y a eu quoi dans l'actu musicale? Il y a eu. Oh, cette chanson, je me devais de la passer en entière. Ça fait pas longtemps qu'on a écouté de musique, oui. Mais là on va en réécouter une. Et celle-là, je me devais de la passer en entière. C'est Section d'Assaut. What's It By Night. What's It By Night. C'est pas What's ah It oui, Be White. Non, oui, What's It White. What's It By Night, on doit on va l'écouter obligé. Restez après la machin. Je vais me blaguer avec l'île, on parle. Je vais le mettre qui clash, je crois que tu vas bien avec l'autre go là-bas. Oh. Et voilà. Je suis en train de faire la chanter. En même temps, on a essayé de régler les problèmes techniques parce que, évidemment, ça marche mal oui, la connexion. Voilà. Mais vous désolé, commencez à avoir l'habitude. Ça laguait un peu chez Tom. Mais... D'ailleurs, Tom qui nous a dit ses coups de cœur musicaux de l'année 2010, ouais. Il y avait TikTok et California Girls. Et c'est vrai que TikTok, et on l'a oublié, mais qu'est-ce que je l'aimais, TikTok. Ouais, mais on pouvait pas tout mettre. Oui, c'est vrai. Mais TikTok. Girl, Only Girl de Rihanna, je crois, il me semblait que ah oui, Only Girl. Part. Bon, je l'avais téléchargé, mais je ne pouvais pas tout mettre. Hein. On a essayé de mettre oui, le maximum. Des gens ouais. En met beaucoup plus que d'habitude des musiques. Donc voilà, on espère que vous êtes ambiancés quand même malgré les petits bugs. On essaie de régler tout ça dès qu'on peut. Enfin, voilà. Quand ça marche. Pour l'instant, ça va. Oui. Espérons avec un peu de chance que ça dure. Oui. On continue notre actu musicale de 2010. N'oubliez pas de voter en haut à droite pour la chanson de Christophe Maé qu'on écoutera juste après. Voilà. Et il y avait quand même une chanson que tout le monde a entendue de notre génération. Voilà, celle-là que Kelly, je te dis que tu vas l'aimer, c'est parce que c'est Colonel Riel, c'est celui. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Partage ta vie. Qui je te confie. Là, par contre, pour l'imiter, faut vraiment mettre beaucoup, beaucoup de dessus. Hein. C'est clair. Celui qui partage ta vie. Je m'en souviens, on l'a chanté tous en primaire et tout. On rêvait trop qu'un mec nous la chante et tout. Tout le monde, d'ailleurs, j'ai vu, il a sorti une musique en août, je l'ai pas écouté. Ah ouais? Tout le monde l'a oublié. D'ailleurs, un jour, Colin Riel, il a aimé mon commentaire que j'avais mis sur sa photo Instagram. Ah bon? Voilà, oui. C'était il y a un an. D'accord. Non, je suis fière. D'accord, c'est une fierté comme une autre. Oh non, pas Colin Riel. Bon, voilà, et elle a eu, attends, je l'ai pas dit, elle a eu plus de 109 millions de vues sur YouTube, celui. Eh oui, quand même. Voilà. Ça a été quand même, ça a été bien écouté à notre époque. Après, maintenant, j'aime oui. plus du tout. Comment j'étais c'est une fangirl en 2010. C'est extrêmement nul, Colonel Riel. Oui, bah, j'ai l'impression qu'on partage à peu près tous le même avis dans le chat. D'ailleurs, j'ai mangé mon premier petit chocolat du calendrier de l'Avent. On t'entend pas bien, Hugo, augmente ton micro. On m'entend pas bien parce que je parle pas bien dedans, c'est pour ça. Oui, j'ai goûté mon premier chocolat qu'il y a eu et il était très bon. Voilà, on goûtera le prochain peut-être tout à l'heure. Oui, ensuite, il y a eu quoi, Hugo? Ensuite, il y a eu. Ah oui, non, mais ça, c'est... par contre, ça horrible. C'est. Horrible. En fait, pire là j'ai rassemblé les deux catastrophes en même temps avant Christophe oui. Maé. Non, même mais... celle-là, elle est pire que Colonel Riel. Ah oui, ça, vraiment, mais ça, on va la laisser. On va vous la laisser 5 minutes, juste pour vous faire souffrir 5 minutes de pure douceur. Non, c'est pas non, de la non, douceur. Non. C'est une catastrophe, cette musique. Bah, dis-le, Hugo. René La Taupe. Mignon. René La Taupe, attention, extrait. Gênant, même la chanson. Non, mais c'est une catastrophe. Ah oui, mais c'était sonnerie de téléphone, ça passait 10 fois par jour. La pub à la télé. 10 fois par heure. René La Taupe pour sonnerie de téléphone, envoyez René au 36-22-02. non, mais c'était horrible cette chanson. C'était. On vous la laisse en fond, rien que pour. Rien que parce que c'est horrible, on la laisse en fond pendant qu'on part. Oui, c'est clair. Oui, c'est nul. Ben, voilà. Bon, voilà, oui, est-ce que vous en souvenez de René? René, j'ai dit René. René La Taupe. Ceux qui ne se souviennent pas, manifestez-vous. Oui. Qu'on vous juge. Oui, non, ouais, bah, je pense qu'ils sont nés en 2010, ceux qui s'en souviennent pas. Bah, j'étais fan aussi. En plus. Ah oui, non, mais ça, on l'a chanté tout quand on était gosse. Hein. Ah oui. Voilà, c'est. D'ailleurs, il y a des messages que tu ne vois pas, toi. Ah oui? Mince. Notamment ceux de Sandrine. Parce qu'elle ça... dit il est passé capitaine. Par avait raison. Attends. Moi, il bug en fait. Ouais. Regarde. Non, mais il y a tout qui a bugué en fait, si vous voulez, hein, comme oups. D'habitude. Oups, on peut pas voir. Attendez, on peut. Non, mais on peut... ça veut dire qu'on peut pas voir les résultats du sondage là. Ah, tu peux pas regarder sur toi. Et non, je ne peux pas regarder. Bon. Ah, va falloir investir là, c'est plus possible. Faites des dons, s'il vous plaît. Ouais. On va mettre notre PayPal. Si vous... Mets ton PayPal. Quoi. Oui, j'en ai pas. Ah non, bah moi non plus, de toute façon, on n'a pas là. Voilà, on est mineur. Je l'avais en single, Tom. Oh là là, non, moi j'ai pas payé pour ça. Ouais, hein. J'espère que personne a payé pour ça quand même. Non, j'espère que vous avez pas payé pour ça. Parce que si vraiment vous avez payé pour ça. C'est que. Partez, là... partez tout ça. Partez du live. Parce que pour avoir payé pour ça. Ouf. La fin va être. Ah oui, d'accord, oui, non. Oui, non, là il y a un affichage, quoi, de bug. Rien. Si tu... pas croire. Alors attendez, on va essayer d'afficher les résultats du sondage ici. Ah ouais. On va tester le système B. C'est. Bon bah c'est clairement Ding Ding qui arrive voilà. En première position. Bon bah on va mettre Ding Ding Ding. Parce qu'ils seront faussés. Mais et ben voilà, bah c'est parti. On va s'écouter Ding Ding Ding Ding. Pourquoi je chante comme ça? Je ne sais pas. En plus, je chante extrêmement mal. Et tout de suite après Ding Ding Ding, on vous hop. Fait le N'oubliez pas les paroles. Le moment que vous attendez tous. J'ai pas de musique de suspense. Non, y'en a pas. Juste après Ding Ding Ding, le N'oubliez pas les paroles, il y aura 5 chansons de 2010. On ouais. se retrouve juste après, à tout de suite. Ding de toi en retard parce qu'on est en train d'essayer de changer d'ordinateur pour avoir votre chat. C'est la galère ce soir, mais vous avez l'habitude. Attends, je crois que c'est l'heure de notre trompette. De notre trompette fétiche. Hein, Esther? On est en direct. Qu'est-ce que je faisais? J'avais pas compris. Esther ne parlait pas depuis tout à l'heure parce qu'elle avait pas compris qu'on était en direct. Mais j'étais dans mes pensées, j'étais vraiment ailleurs. Oh non, c'est là. C'est pour on... ça que je me suis dit, elle réagit pas. Mais j'étais morte. C'est bizarre. Oui. Donc, du Donc coup, on va je mettre disais, la trompette. C'est l'heure oui. de la. J'ai entendu trompette, ça m'a réveillé en fait. Attention, le n'oubliez pas les paroles, c'est maintenant. 5 chansons de 2010, il y en a des françaises, il y en a des anglaises. Des anglaises, la liaison. Des anglaises, pas grave. Je mets le mot de passe à la tente. Oh non, mais il m'envoie un message. Oh. Il est débile celui-là, on va jamais réussir à voir le chat. Enfin, si je l'ai, mais enfin, bon, moi. C'est la gueule. Ah, c'est. On va réussir à vous avoir. Il m'a manqué. Qui t'a manqué? Christophe Maé? Pas moi. Je pense que c'était Christophe Maé. Un jour, ça sera organisé cette émission où... Non, alors c'était organisé. C'est juste que là, entre. En fait, il y a un bug de connexion. Il ouais. y a la connexion qui nous lâche, il y a l'ordi qui nous lâche. Donc, si vous voulez, on a été. On est un peu dans la merde. J'étais réquisitionné la Mais tablette on est de là mes parents. Coûte que coûte. J'étais réquisitionné la tablette de mes parents dans le studio. Dans le salon. Pour avoir. Ouais. Les informations nécessaires au bon développement de cette émission. Oui, voilà. Pourquoi je me mets à parler correctement? Le bon développement de cette émission. Ça ne veut rien dire. Tu verras le chat ici, Esther. Super, merci. Dorénavant. Voilà, Dorénavant. Il est là en bas. Super, merci. Tu as toutes les informations nécessaires. Oula, qu'est-ce que tu fais? Oula. Bon. Je ne sais pas utiliser une tablette. Alors le premier, n'oubliez pas les paroles, oui. Et section d'assaut, la chanson On des commence Zolais. Direct, il y a 6-8 mots, ça dépend si vous comptez les apostrophes ou pas. On va dire il y a 8 mots à trouver. Attention. Ouais. Si je coupe pas la musique de fond, ça va pas le faire. Attention, extrait, section d'assaut. Et j'ai dû côtoyer le pas. Je mettais la réponse là, c'est pas de... oh, c'est Hugo. Pas la réponse qu'il faut. Oula, on contrôle plus rien. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Section d'assaut, l'extrait, vous trouvez les 8 mots manquants. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Alors, on allait chanter, mais non. Attention, ouais, ça nous fait trompette. Ça, alors, pendant le décalage, je vais récapituler les points. Ouais. Alors, en première position, on a Bastien qui a 17 points, Inès qui a 16 points, Kelly qui a 11 points, Bérénice qui en a 10. Alors, Freeway, il a 6 points, Sandrine, elle en a 7, Léa 5, Alice, Blague à Papa et Chaton 2, Tom 26 et Lilith 1. Voilà. Voilà. J'ai réussi à faire tout ça. Ouf, il y en a beaucoup trop. Alors, on va lire le chat, on ne se tend pas beaucoup, normalement c'est réglé, je viens de m'augmenter un petit peu. Alors, on a Bastien normalement, qui a trouvé... ces problèmes de vous nous entendrez plus beau, vous nous entendez pas beaucoup, ce sera réglé après Noël, hein, papa. Il sait de quoi je parle. Inès, on lui compte. J'y avais pensé que tu. Je rentre. Comme une envie de. Alors, attendez, c'est quoi les réponses? Alors, attends. Il manque un mot un peu, Inès, mais. Attends, mais. Esther, le suspense! Faut qu'on écoute la bonne réponse avant de savoir s'ils ont juste. Mais après, ils vont tricher, mais de toute façon, le décalage, ils peuvent pas réécrire. Attention. On écoute la bonne réponse et vous saurez si vous avez la bonne réponse ou pas. Et j'ai dû côtoyer le pavé. Pas à pas, je dis c'est pavé. Papa, maman, les gars, désolé. Je ressens comme une envie de m'isoler. Je ressens comme une envie de m'isoler. Oh non. Non, elle s'est faut que j'arrête mes imitations. Bon. Ah oui. Kelly qui dit j'arrive jamais à nous. Ou n'oubliez pas les paroles en français, c'est plus simple en anglais. Mais comment ça, tu connais aura, pas les chansons en aura deux en anglais, quoique il y en a une. T'as pas un une bonne compliqué. Culture de chansons françaises. Ça veut rien dire. Qui est alors musicale. Attendez, Bastien là, bon, le point. Inès Esther... et Tom 26. Ouais, alors Inès, ça fait 17 points, Bastien 18 et Tom, ça fait 2. Voilà. Bon. Super. Vous êtes corrigé, mais on vous le compte. Voilà. La prochaine, c'est The Black Eyed. Calme. Descente. Tu veux aller trop rapidement. Mais non, mais le temps que je mette le titre. Non, le temps. Non, j'ai pas le temps parce que je suis en train de lire le chat comme ça et. Wow. Oh là là. Je contrôle plus la situation. En plus, on a oublié de mettre la trompette. Voilà. Celle-là, elle va rester. Bon, là, toute je peux le dire. Vas-y. Voilà. La prochaine, c'est The Black Eyed Peas, The Time. Faut que je trouve le bon bouton. Décidément, c'est le bordel. The Time, vous avez 7 mots à trouver. C'est parti, on attend vos réponses dans les commentaires. Voilà. Oh, En fait, c'est un remix de Dirty Dancing. Ouais, donc mais vous pouvez avoir la réponse avec Black Eyed Peas ou Dirty Dancing. Voilà. Et la trompette. Est-ce que la tablette, on peut essayer de la mettre là? Oui. Vas-y. Allez, j'essaie. C'est le bordel ici. On va s'organiser comme on peut. Vous ne m'entendiez plus, mais c'est pas grave. Vous alors, engueulez pas, mais on s'engueule pas. On s'engueule pas. On se charrie. La joie, voilà, la joie et la bonne humeur est présente. Mais oui. Alors, je vais danser dans le salon. Pourquoi danser dans le salon? On ne met pas de. Ah oui, d'accord, ok. Dirty Dancing. Ah, Kelly. Elle m'écoute pas, d'accord. Super. Oui, non, j'ai entendu. Vivement qu'on ait la console et qu'elle m'entende direct dans son non, casque. Non, mais je t'entends, parce que là, elle... Donc, du coup, mon père va danser dans le salon. Dirty Dancing. Est-ce qu'on essaye de faire la danse là? Maintenant, tout de suite. Non, non, alors là, non. Vaut mieux pas. Vraiment pas. Alors, on a du Bastien, on a du Tom, on a du Kelly qui ont la bonne réponse. Et attends. Et non, mais est-ce qu'on a écouté la bonne réponse ou pas? Ben non. Qu'est-ce que t'en sais qu'ils ont la bonne réponse? Parce que j'ai devant moi la bonne réponse. Oui, mais il faut garder le suspense, faut savoir. Oui. Est-ce qu'ils vont avoir la bonne réponse ou pas? Et ben on l'écoute maintenant. This is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life. Voilà, alors je vais faire une récapitulation des points. Vas-y. Kelly, tu as 12 points, Inès 18, Bastien 19, Tom 3 et Bérénice 11. Oh, on a dû beaucoup, pas mal de points là. Oui, oui. Alors, je connais pas trop cette chanson. Bah, tu as trouvé pour Kelly, toi. Elle est perdue. C'est est la perdue. Première qui a écrit, mais. Tu lui fais le porté de Dirty Dancing, Hugo? Non, ça va aller. Non, vraiment pas. Vaut mieux pas, sinon on risque d'avoir deux blessés et Sbazi Radio risque de s'arrêter momentanément. Voilà, blessé voire mort. Ça peut aller un peu loin. Ça peut, oui, ça peut aller très loin. La trompette, attention. 3, 2, 1. On est fan. Alors la prochaine, tu peux on annoncer la prochaine chanson, oui. Esther, je te laisse le dire. On l'a tous entendu en 2010. C'est Alors on danse de Stromae. Oula, de Stromae. Et il y a 10 mots. Et y a 10, vous avez 10 mots à trouver. 10 mots à trouver, c'est maintenant l'extrait. On attend vos 10 mots. Enfin, la réponse dans le chat. Alors, qui dit études dit travail. Qui dit taf, je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépenses. Qui dit. Ah merde. En fait, c'est la réponse. J'ai commencé à dire la bonne réponse. Mais en fait, t'as marqué le début là. Oui. Y a pas 10 mots du coup. Si, si, c'est juste que je viens de le dire sans faire exprès. Non, parce que y avait ça. Y avait cette phrase qui était dite, j'ai entendu. Ah bon? Oui. Attends, oui. Bah on va réécouter l'extrait. On va réécouter rien l'extrait. Pour vous. Alors, qui dit études dit travail. Qui dit taf, je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépenses. Qui... En effet, voilà, du coup, il reste plus que 5 mots à trouver, ouais, et voilà. La trompette. Mois il reste trouver. 5 mois à trouver parce que j'avais c'est pas un peu vu. Dur, hein. J'avais pas. Bah, du coup, ouais, bah, il reste plus que 3 mois vu que j'avais dit les deux autres. Bon, bah, Bastien, comme d'habitude, il trouve, alors, mais vous avez les mêmes groupes musicaux, c'est pour ça. Alors, on va écouter si vous avez la bonne réponse. Oui, mais j'oublie. Je vais te mettre un scotch. De toute façon, là. Non, mais avec le décalage, ils peuvent pas. Oui, ça va mettre du temps à écrire. Et justement, mais même, ils ont le suspense comme ça. Tu vois, par exemple, Tom, t'as pas la bonne réponse. Oui. Non, qui dit dead, d'ailleurs, dit d'ailleurs, chier, qui dit assis dans la voilà. Merde. Du coup, ben. C'est parti. La bonne réponse. Qui dit études dit travail. Qui dit taf, je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Didi créance. Bon, la prochaine question. Qui a les bonnes réponses, Esther, du coup? Alors, on a Bastien, Inès et. Et voilà, bah c'est tout, oui, c'est pour ça que j'ai bugué. Et Bérénice, non? Non, Bérénice, elle a pas trop. Qui dit, bah si, qui dit crédit, dit créance. Mais c'est pas possible, elle connaît pas cette chanson, elle a regardé sur internet. Je sais qu'elle connaît pas la chanson. Dis-nous si tu as triché. C'est pas normal que vous m'entendez pas bien. Attendez, on va le faire en direct. Bérénice, dis-nous on va changer la pile du micro. On fait tout en direct, nous. Non, parce que, ouais, ça se trouve, elle a triché vu que c'est. Il y a une minute entre Bastien qui a écrit et ça. Oui, voilà, donc moi je pense. Bref, en tout cas, Inès et Bastien, ils sont à la tête du N'oubliez pas les paroles. Bon, alors, Hugo change les piles de son micro, genre actuellement, tout à fait normal. Hein. Bref, donc Inès 19. On m'entend mieux là normalement. Voilà, Inès 19 mois. 19... Oh, non, pas 19, 19 morts. Points. Non, pas 19 mois. Oh là, mais qu'est-ce que je dis? J'ai cru qu'elle allait dire 19 morts. 19 points. Et si on Bastien entend bien, Hugo, va. Mais là, voilà, c'est bon, on m'entend bien. Mais si on l'entendait bien, Hugo. Ah. C'est parce que je bouge comme ça là, vous m'entendez. Voilà. Alors, bah, du coup. Pas du tout, je la connais par cœur cette chanson. Mais comment ça se fait? C'est bon, avec les deux sœurs vont se chamailler. Je te rajoute un point, ça t'en fait 12, Bérénice. Quelle est la prochaine chanson, Esther? Je te laisse l'annoncer. La prochaine chanson, c'est Firework de Katy Perry. Et de Katy Perry. Non, mais de Katy Perry et une de mes préférées en fait de cette année 2010. Donc il y a 5-6 mots à trouver. Ah, mais je lui ai dit de meubler à Esther en attendant, mais elle n'y arrive mais pas si. Trop. Si, bah, non, c'est ce ça que va, je fais. Attends, je rigole, ça, t'avais bien fait. Je rigole, ça va. Oh, j'ai le droit de 1. Hein. Bah, oui. C'est mon émission à la base, ok? Toi, tu n'es que co-animatrice, tu es à côté. Non, je rigole. D'accord, bah, je parle de l'émission, on va voir si tu t'en sortiras tout t'auras seul. Plus de crêpes alors. Ouais. On est bah, quand toi, même... plus de chocolat. Nous, on est quand même payé à la crêpe et au chocolat. Hein. Mais c'est sympa. Oui. Attention, je te laisse le réannoncer. Bah, Firework de Katy Perry. ça s'écoute vraiment hyper fort, enfin sec. Elle a hurlé d'un seul coup. J'adore. On écoute chanson. La trompette pour la peine. La trompette, c'est une excuse pour tout. Alors, est-ce qu'il va c'est y quoi, avoir. Des... C'est la maman de Hugo, elle a fait des crêpes et elle m'en a donné deux. C'est les crêpes de Nutella. Trop bon. Moi j'en ai trois. Ah. Parce que je les ai vus avant, parce que je suis trop sage. Et attendez, je prépare cette émission depuis 16h quand même. Donc voilà, oui. Un minimum de respect. Excuse-nous, je prends la grosse tête. Ça va plus. Alors, Kelly propose dis, quoi? Cause Baby of Firework, Tom il dit pareil. Est-ce ben, la bonne écouter. Réponse? On va écouter. Oh, tu laisses le suspense pour la première oui, fois, là, Esther. Pour la première fois. Et ben, on voilà. écoute. La bonne réponse, normalement, c'est celui-là de bouton. Attention, la bonne réponse. Mais t'as pas. T'as mis Cause Baby You're Fire. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, bah je me suis planté. Non, regarde. Oui, non, mais oui. C'est qui a mis Fire? Mais non, c'est Maz, non? Non, mais juste, t'as baissé le son et elle avait pas dit en entier le mot, du coup ça m'a stressé. Ah, mais parce qu'elle fait. Fire! Je l'ai chanté. Alors, qui a les bonnes réponses du coup, Esther? Alors, il y a. Bah, tout le monde qui a trouvé. Donc, Kelly, Tom, Sandrine, Inès, Bérénice et Bastien, vous avez un point de plus. Voilà. Ils sont bons ce soir. Wow, ils sont tous bons. Bastien est plus occupé à chasser en boîte. Ah. Attends, oui, non, parce que attendez. Bastien, elle révise en boîte tous les samedis soirs. Ah, bah oui. Non, mais ça passe pas. Hein, quoique, s'il y a certains trucs qui passent en boîte, je suis bête. Si, parce que alors on danse, ça passe en boîte. Hein. Est-ce qu'il serait pas temps de mais réécouter trop bien, cette chanson, même le clip trompette. Et tout, j'aimais trop. Ouais, avec les petits feux d'artifice. Et qu'il y en avait du, une, elle avait le cancer, il y en avait une, elle était grosse, elle voulait pas se montrer et tout. Ça, c'était le bordel, j'aimais, ce clip. Non, mais j'aimais trop. Il quoi. Était sympa. Ah, et avant la dernière chanson, on va mettre une chanson qu'il passe certainement en boîte. Oui. De David Guetta, et vous la connaissez. Featuring Rihanna. Peut-être. Tous, ouais, avec Rihanna, et celle-là, je me souvenais du clip. Je sais pas pourquoi je l'adorais, parce qu'il y avait plein de couleurs et tout partout. Voilà, juste avant la dernière chanson du N'oubliez pas les paroles, on vous met cette chanson de David Guetta en entière. Et elle s'appelle comment? Elle s'appelle Who's That Chick. Voilà, je t'ai laissé le dire parce que je n'arrive pas à le dire, c'est en anglais. À tout de suite. La trompette. Et oui, il reste une chanson de N'oubliez pas les paroles. Bon, c'était Who's That Chick, j'adore cette chanson. Elle a commencé et à parler aussi, alors qu'on ne l'entendait pas. Là, on m'entend. Oui, là maintenant, oui, voilà. On t'entend. C'est bref, bon. Je vous disais, j'adore cette chanson et Tom aussi, visiblement. Ouais, elle était super sympa, ça m'a bien. Il n'y a plus les sucres d'orge, attention. Et si, ah non, voilà, ouais. Ah non, ça y a des. Alors là, t'as mis le décompte. Voilà, c'est bon. Ils l'ont eu en direct, ce décompte. Voilà, oui, ils l'ont vu. Ils ont vu le foirage. Oui. Voilà, vous les avez, les mais là, en fait, vous avez tous d'orge. Les secrets de tournage, en fait, voilà, avec avez... ces conneries. Là, vous savez comment ça se passe. Ça se passe dans le bordel. Voilà, exactement. Oui, on devait prendre les trois premiers, mais comme ils sont arrivés en même temps chez nous, on oui, savait en pas fait, ils ont été écrits au même moment, donc je vois pas pourquoi on discriminerait les autres qui ont une meilleure connexion, en fait. Mais bientôt, les gagnants seront ceux qui passeront par téléphone, on n'en dit pas plus. On ouais. en a déjà dit beaucoup trop. Ah, tu en as dit beaucoup trop. Oui. Un papa. Je vais l'emmerder avec ça. Je m'éclatais quand je l'écoutais, ça m'a trop refait la bah, tant mieux ah pour ouais, toi, alors ça fait plaisir. Bon, on termine avec la dernière toute dernière de M. Pokora. De, bah, du juste une photo de toi d'ailleurs, je m'en souviens pas, mais je pense que quand je vais l'écouter, ça va me dire quelque chose. Ça va certainement te revenir, attention. Oui. J'ai oublié de dire, il manque 5-6 mots. Ouais, ça dépend avec l'apostrophe, mais il manque 6 mots. Attention, Simon. À vos claviers. Est-ce que t'es parti aussi vite que t'es arrivé? Et tu t'en es allé avec un bout de moi. Maintenant. Non, j'ai pas réussi à mettre le micro. J'étais en train de chanter. Oui, non, heureusement. On remet la trompette alors. Vas-y. Reprends mon téléphone. Cette trompette est épuisante. Ben, surtout pour vous, je pense. Oui. Parce que nous, on l'adore. Ouais, ça va. Nous, alors, qu'est-ce que vous proposez pour juste une photo de toi de M. Pokora? C'est pas compliqué. Vraiment, on a fait ça pour celui-là. Oui. Elle y était sur le jeu X Factor, celle de David Guetta ou M. Pokora? Je pense plutôt M. Pokora, parce que tu veux parler de lui. Ouais. Ah, papa, il a dit peut-être. Ouais, oui. Non, c'est pas peut-être. Elle y était sur le jeu X Factor. Ce qui me reste, c'est juste une photo de toi, propose-toi, mais on attend d'autres propositions. Est-ce qu'il va avoir juste, est-ce qu'il va pas avoir juste? Suspense. Déjà, il a mis plus de mots qu'on en demandait. Et à la fin, je récapitulerai tous les points. Connais pas Bérénice, tu connais pas ça? Canépamp, ça l'a écrit. Remarque, attends, elle avait quel âge en 2010? Elle avait 4 ans. Ah bah voilà. Ah oui, c'est énorme, genre je me rends compte, elle avait 4 ans quoi. Ah oui, oui d'accord. Ah oui, c'était vraiment... Elle avait... Mais c'est une 2006. Ah oui, c'est une 2006. Mais tu m'étonnes qu'elle connaisse pas. Bon, remarque, il y a des trucs de 2000-2001 avant ma naissance que je connais. Hein. Alors on va écouter la réponse. Excuse. Alors on va écouter la réponse. King, Bastien et Inès qui se sont serrés de score. Attention, voilà, ça va départager Esther ou Bastien, ou alors ils ont peut-être tous les deux la bonne réponse. Parce que t'es parti aussi vite que t'es arrivé, et tu t'en es allé avec un bout de moi. Maintenant, tout ce qui me reste, c'est juste une photo. Tout ce qu'il me reste, c'est juste une photo de toi. Moi, je la connaissais pas en fait. Bon, alors je vais récapituler tous les points. Et après, on va se laisser sur Mr. Saxobeat. Yes, donc du coup, on demandait juste avant tout ce qu'il me reste. Aussi, oui. Hein. Ah oui, le coucou Bastien, descend. Descends pendant que je récapitule les points. Alors, Bastien et Inès, ils sont très serrés. 22 pour Bastien et Inès, 21 points. Alors, ensuite, on a Kelly qui a 13 points et Bérénice, elles sont à égalité toutes les deux. Sandrine qui a 8 points. Bon, tu en as gagné aucun, d'ailleurs, je crois, cette émission. Ouais. Ah, si, il y a eu un seul. Freeway qui n'est pas là ce soir à 6 points. En fait, je veux dire que ceux qui sont là. Tom qui a beaucoup monté, t'as 5 points. Et Blague à papa, 2 points. Voilà. Blague à papa, il est mauvais. Hein. Non, mais ça va. On l'excuse. Oui. Du coup, oui, bah, en fait, on attendait que tout ce qu'il me reste. Mais du coup, vous avez réussi. Et on vous a compté juste parce que vous avez mis tout ce qui me reste. Et c'est tout ce qu'il me reste. Oui. Mais bon, on n'est pas trop exigeant parce que sinon, vous allez tous partir. Donc, non, mais voilà. Ah, ah, c'est l'heure coucou du coucou de Bastien. Est-ce qu'on met... on va remettre la trompette en attendant, parce que tous ceux qui me restent une photo de toi, à un moment on n'en peut plus. Est-ce que t'aimes bien la trompette, Bastien? Je l'adore. Eh ben c'est parti alors. Le coucou de Bastien, ça, chaque fois à la fin de l'émission, je ne marque pas dans le programme, mais dès qu'il est là, ben il vient nous faire coucou. Oui, comment Bastien... ça va? Eh ben bonsoir tout le monde, ça va bien. Bastien, quelle a été ta chanson préférée de 2010? Oula. Alors là. Qu'on a passé ou pas? Ouais, qu'on a passé. Attends, je suis en train de réfléchir. Pas, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. The Time. Ouais, the ouais. Time. C'est là que j'aimais bien. Et après, regarde, on va la mettre juste pour toi. Attention, ah non, c'est. Colonel Riel aussi, j'aimais bien. Ah, celle-là. Merde, c'est celui-là. Celle-là, elle est bien. Hein. Non, elle est nulle. Si, moi j'adore, moi. Non. T'aimes bien Esther? Je l'adore. Non. Oh je non! Section d'assaut! Section d'assaut, What by Night! Ah oui, mais oui, mais attends, oui, mais je l'ai plus là. Oh, tu me stresses! Je l'ai plus. Eh ben tant pis. Regarde, on va la mettre rien que pour toi. Hop, je cherche tout ça. En tout cas, est-ce que ça t'a plu, mon petit loulou, cette émission? Eh ben oui, c'était sympathique comme d'habitude. C'est celle-là que t'aimes bien comme chanson. Ouais, celle-là, c'est la meilleure. Est-ce qu'elle passe encore en boîte? Oui! Elle est passée hier soir d'ailleurs, je crois. Ah bah voilà, ce monsieur va en boîte tout le temps. C'est comme ça les jeunes d'aujourd'hui. Ah ben, il faut bien se détendre dans la vie. Hein. Voilà, c'est la fin. Il est 19h05. Wow, fini pas trop en retard pour une fois. C'est étonnant. Merci. Oui, voilà. Alors attends, hop. on se rééchange. On ne s'en sort plus. C'est la fin d'émission. On espère que ça vous aura plu. Les replays seront très bientôt disponibles sur Spotify et Google Podcast gratuitement. Et sûrement en rediff YouTube si vous voulez avoir le chat. Ouais, voilà, si vous voulez revoir le chat en rediff. Mais c'est quand même mieux de l'écouter sur Spotify. Oui. D'ailleurs, Sandrine nous l'avait confirmé sur Insta. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Le Twitter, l'Insta. Le Twitter. Abonnez-vous à Twitter et Insta pour avoir les news de Zbazi. On dit pas que quand il y a une émission, des fois on dit des trucs. Ouais, on rajoute des petits trucs. Genre, on avait mis les petites décos de Noël et tout là, ça. Là, par exemple, l'émission dernière, j'avais parlé de mon caddie et après j'avais posté en story le caddie. Il est toujours sur Twitter, le caddie. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Mettez un pouce bleu au live pour nous soutenir. Et vous pouvez mettre, enfin, vous pouvez déjà aller sur la chaîne hashtag pour mettre le rappel pour les deux prochaines émissions. On rappelle que la semaine prochaine, c'est une émission normale. Le 16, c'est l'émission spécial Noël. Et le 30, normalement, peut-être une émission karaoké. Ouais, karaoké un peu bordel pour le jour de l'an. Parce qu'il faut fêter ça quand même. Bastien, est-ce que tu seras avec nous? Oui! Voilà, il sera de la partie. On foutra le 30. On mettra toutes tes décos de boîte de nuit dans le bureau avec la machine à fumer, tout ça. Ouais, en plus d'ailleurs, hier soir, j'ai ramené un drapeau géant des États-Unis parce que c'était la soirée American Electron au cristal. Et du coup, ils distribuaient plein de drapeaux. Du coup, j'en ai ramené un. Donc vous voyez que Bastien raconte sa vie. On adore. Voilà, donc postez vos décos Noël, on le fera. J'ai pas fini mon sapin moi, mais on le fera. On vous mettra peut-être la déco du studio aussi. On mettra tout ça sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. Pour une même jour, même heure. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Zbazi Radio de retour dimanche prochain à 18h sur hashtag.